Galerie Ouest, à 3 quarts d'heure en chariot de Wish City. L'entrée d'une galerie, c'est juste un passage donnant sur un tunnel. Et dans ces tunnels se côtoient les rails sur lesquels glissent les chariots de transport. Chez les Baef Wish, les creuseurs sont les êtres les moins intéressants. C'est pour cela qu'il est rare que quelqu'un d'important vienne les voir. Nous approchions de la gare où étaient entreposés les chariots. Moriarty menait la marche. Alors, vous voyez les gars, moi, si je me permettais de recevoir du monde pendant que The Boss, mais on s'en sortirait pas. Vous êtes sympa les gars, sérieux, mais quand même il y a un petit peu d'abus. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne importante qui veut nous voir? C'est pas vrai. Devant nous, au milieu des sordides chariots de creuseurs, de ces amas de tôles, un chariot en argent brillant à la lumière des torches. Un chariot blindé, un chariot tout fermé, à part la cabine de pilotage en vitre teintée. La portière s'est ouverte, laissant apparaître un Baef Wish énorme, un colosse, un amas de muscles. Si on en comprimait un, celui à côté explosait. Puis un autre descendit comme pour former une haie d'honneur. Et ce fut autour de Mila, suivi d'une frêle servante. Ah ben, c'est le meilleur. V'là que la fille du dirigeant vient voir mes deux meilleurs creuseurs, Squeak, Booze. Vous pouvez m'expliquer, hein? C'est quoi votre secret, hein? Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Bon, quoi qu'ils aient fait, mademoiselle Mila, soyez sûrs qu'ils seront punis. S'ils vous ont vu prendre une douce alors que vous étiez toute nue ou que vous vous frottiez un peu trop intensément avec un gant de toilette ou alors que... Excusez-moi, je vous laisse, les gars. Prenez tout votre temps. Marchons un peu. Elle a jeté un regard à ses gardes du corps, puis à sa suivante. Vous, s'il vous plaît, restez derrière nous. Et nous avons avancé dans la galerie côte à côte. Non, Booze n'osait pas rester au même niveau qu'elle. Il marchait derrière d'un pas lent. On aurait pu croire que lui aussi était un garde du corps. Qu'est-ce que... Enfin, je veux dire... Qu'est-ce qui m'amène ici? Je voulais vous dire merci pour m'avoir ramené hier soir. Elle laissait traîner son regard ici et là, comme si c'était la première fois pour elle qu'elle découvrait une galerie en plein forage. Les tractopelles, les pelleteuses, les baraquements, les pioches. Non, de rien, ce qui est le plus normal. Et sinon, vous, ça va? Moi, ça sent pas trop mal. Ne me même pas demandé comment Booze et moi nous allions. J'ai repensé aux paroles des pères sévères hier, concernant l'invasion des rats. Vous y croyez, vous? Bon, non, pas du tout. Et vous? Non. C'est des vieux fous, ils voient pas du tout l'avenir, on peut pas les croire. Non, c'est vrai. Non, parce que sinon, ça ferait de vous un héros. Et alors là, vraiment, j'ai du mal à vous voir comme un héros. Mais comment ça? Mais vous n'êtes qu'un petit creuseur, Squeak. Et ce n'est pas un creuseur qui pourrait sauver Wish City si elle était en danger. Mais je comprends pas. Bah justement, hein, c'est pour ça que vous êtes un creuseur. Mais je vous ai rien fait. Qu'est-ce que vous venez m'insulter là? Est-ce que je viens dans votre chambre quand vous vous maquillez? Parce que jusqu'ici, c'est le seul travail qu'on vous connaisse pour critiquer ce que vous êtes. Oh là, tout doux mon grand. Tu t'adresses à la fille du grand dirigeant? À la fille de mon cul, oui. Non mais je le crois pas. Dès que des soulards dérangés de la cafetière vous disent que vous allez sûrement sauver Wish City d'une prétendue invasion de rats, ça monte sur ses petites jambes. N'oubliez pas qu'il vous parlait creuseur. J'étais juste venu vous donner un conseil également. Ne retournez pas à la galerie Est. Le grand trou ne donne sur rien. Pas sur un autre monde comme vous pensez. Tout ça, c'est des foutaises. Si vous êtes venu ici pour ça, vous auriez pu vous retenir. J'ai tourné les talons. Allez, viens, Booze, on laisse la mannequin se repoudrer le nez. Apparemment, il y a trop de poussière pour son fond de teint ici. Attendez! J'en ai pas fini avec vous. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Quick. Mademoiselle Mila, ne vous retournez pas! Quoi encore? Tu ferais bien de te retourner. Toute la galerie a fini par s'agiter. Tout venait de notre coin apparemment. Mais la panique se propage vite. Je me suis retourné. Derrière Mila, juste derrière elle, deux gros rats grognaient, les babines retroussées, la bave écumante, les yeux rougeoyants à la lumière des torches. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc sur la joue? Et la panique s'est effectivement emparée de la galerie Ouest. Pour la première fois, nous avions affaire aux rats.